Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de QI Basket. Je suis ravi de vous retrouver pour un petit épisode consacré à la draft 2020, qui arrive bientôt. Ce sera le 18 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je vais vous présenter vite fait qui sont les gens qui sont présents ce soir, parce que, évidemment, c'est un spécial draft. Donc, on a été obligé de prendre de l'artillerie lourde pour nous accompagner, puisqu'on n'est pas des spécialistes, on ne va pas se mentir. Donc, on a Nico Scouting d'envergure qui est là. Merci Nico et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on a Cam et Izzy qui sont là aussi, les petits habitués. Messieurs, bonjour, bonsoir plutôt. Salut, salut. Bonsoir. Et on a Julien de QI Basket de la rédaction qui est là aussi en tant que fan des Timberwolves. Je le dis pas trop fort, hein, par respect pour sa famille. qui est venu aussi défendre son steak évidemment, puisqu'il pourra, enfin son équipe pourra choisir en premier. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, contexte un petit peu particulier cette année, bah, évidemment le Covid-19 qui a flingué un peu toute la saison NCAA. On n'a pas eu de March Madness, donc on a une draft déjà sur laquelle il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau de pas mal de prospects. Une draft qui n'a pas déchaîné non plus les passions non plus au niveau des prospects, donc il n'y avait pas une grosse superstar qui était hyper ciblée. Et en plus de ça, on n'a pas eu l'occasion de les voir dans des situations un peu extrêmes. Sous tension, qui représente finalement relativement bien la NBA, mais on va quand même essayer de faire un petit peu le tri. Donc, on va vous présenter le top 10 aujourd'hui. Donc, je vais simplement annoncer les équipes lors de pick. On aura une présentation du prospect de Nico, d'envergure, donc je le rappelle. Et ensuite, on aura des réactions diverses et variées, comme d'habitude. On terminera par notre petit chouchou de cette draft. Chacun donnera son petit avis. Et puis, on vous laissera avec tout ça attendre jusqu'au 18 novembre et vous régaler du contenu offert par envergure qui est extrêmement riche au niveau de la draft, si jamais vous voulez vous renseigner, puisque évidemment, il n'y a pas que le top 10 dans la vie, hein, soyons clairs. On va commencer tout de suite avec le pick numéro 1, et donc les Minnesota Timberwolves qui vont nous choisir, Nico. Anthony Edwards. Pourquoi? Alors, ça peut prêter à débat, puisque cette année, comme tu l'as dit, il n'y a pas de gros talents qui se détachent. Pour être clair, il n'y a pas de Zion Williamson. Et donc, Anthony Edwards, c'est un poste 2. Pour vous donner l'image, c'est un petit tracteur. C'est vraiment puissance. Le rapport vitesse-puissance, il est exceptionnel. Il a un haut plafond, mais il a aussi un bas plancher. Donc, en termes de. C'est le joueur le plus talentueux, on va dire, de ce qu'on a vu cette année. Et il y a quand même quelques points d'interrogation. En tout cas, pour les points positifs, c'est un scoreur. Il a du talent. Il a le potentiel pour être une star. Un excellent finisseur. Il a quand même 7 pieds. Alors là, j'ai oublié en centimètres. 7 pieds de wingspan, d'envergure. Donc ça doit nous faire du 2m10, quelque chose comme ça pour un. C'est votre Ok. couleur de liste. Voilà. Pour un joueur qui fait un 93, c'est plutôt pas mal. Je vous l'ai dit physiquement, le petit buffle. Au niveau du shoot, c'est. Allez, c'est. Il a un type de jeu assez hardenesque. Donc, faut aimer. Il est capable de créer pour lui-même, plus que pour les autres, les step back, les step side, les pull-up en transi, tout ça, il adore. Très peu de catch and shoot, très bon sur transition. En défense, il est en mode aléatoire. Donc, ça ira bien pour Minnesota. Et fort. Ah, tout de suite à balle réelle, c'est comme ça. On a eu le droit à quelques bribes de bonne défense, mais c'est quand il veut. En termes d'implication, c'est pas top. Donc c'est avant tout un joueur d'isolation, avec les armes et le potentiel pour être efficace sur le pick and roll, mais pour l'instant, il ne nous l'a pas encore montré. D'accord. Julien, à tout seigneur, tout honneur. Pour toi, Anthony Edwards, c'est le choix de la raison? Ouais, je rejoins Nico sur le sujet. C'est le choix qui a été fait par les comptes FR. Alors, très honnêtement, on était à 50-50 sur la Melo Ball et sur Anthony Edwards. Ça a été compliqué de départager entre les deux. Moi, j'étais plutôt favorable à Anthony Edwards pour les points qu'évoquait Nico sur les qualités du joueur. Gros potentiel athlétique, peut contribuer tout de suite au niveau du scoring. En termes de fit, je pense que c'est légèrement mieux quand même que la Melo Ball, qui va être un gros porteur de balle. On parlera de lui un petit peu plus tard, mais. À côté de D'Angelo Russell, je suis pas sûr que le fit soit vraiment meilleur que celui de Edwards. D'autant plus ces derniers jours avec les problèmes que connaît notre cher ami Malik Beasley, qui risque de peut-être même pas retrouver les parcs NBA s'il continue sur cette voie-là. Donc, il a pointé son arme sur un enfant, on peut plus rigoler. Ouais, voilà. En tout cas, il est en grande forme. Il est en grande forme. Donc bon, on va voir ce qui va se passer avec ce garçon, mais forcément, ça valide un petit peu plus le pic Edwards pour Mini. Je pense que le potentiel est clairement là. Évidemment, le contexte, bon, on a entendu quelques comparaisons ici et là avec, avec Wiggins sur le plan mental, sur le plan de l'implication. Forcément, ça fait un peu flipper pour un fan des Wolves, mais de toute façon, la draft, c'est comme ça. Il faut choisir au niveau du talent sur les premiers choix. Donc, on va partir sur Edwards, en tout cas de mon côté aussi, avec l'espoir qu'on va le cadrer comme il faut, qu'on va lui donner le projet qu'il faut entre les mains aussi pour, lui, voilà, pour le mettre dans de bonnes conditions, pour lui le faire s'impliquer sur le côté défensif notamment, puisque avec les qualités athlétiques qu'il a, pareil, contrairement à la Melo Ball qui est physiquement quand même plus limitée à la base malgré une envergure assez sympa, ce serait quand même dommage de passer à côté d'un potentiel défensif aussi. Donc encore une fois, là où je suis un peu rassuré entre guillemets, c'est que c'est aussi dépendant de la franchise et de la capacité à exploiter le potentiel du joueur au maximum. Donc la franchise aura, dans tous les cas, si on le sélectionne, aura sa carte à jouer pour en faire vraiment quelque chose d'intéressant des deux côtés du terrain. Donc je suis aussi sur le choix Edwards. Ok, je te mets deux questions en plus. Minnesota, c'est pas tellement une équipe de transition, sauf si je dis des bêtises, il semble pas. On va remarquer que c'est particulièrement leur spécialité. Et la deuxième, c'est que si en défense on est sur du oui mais non, est-ce que ça va pas poser un problème avec D'Angelo qui est aussi devant? Alors sur ta première question, avec Ryan Saunders, c'est notamment depuis les trades qui ont été effectués à la deadline, on va clairement vers un jeu qui s'est accéléré de manière crescendo, même exponentielle depuis quelques mois à Mini. Donc on joue beaucoup plus la transition, on joue beaucoup plus vite que ce que ça pouvait être le cas évidemment sous Thibodeau. Donc au niveau du profil de ce côté-là, je suis pas inquiet à ce niveau-là offensivement, en tout cas pas niveau partage de la gonfle et niveau vitesse du jeu, je suis pas inquiet. On voit que Sanders et Rosas veulent mettre en place, Rosas était à Houston. Sanders veut mettre en place un jeu rapide aussi, il l'a fait dès l'année dernière avec un roster qui n'était pas du tout adapté, mais il a de suite voulu mettre cette philosophie en place en sachant que les hommes allaient changer, mais avec du shoot, avec, alors même si Edwards n'est pas un très très bon shooter de loin pour le moment, mais ça se travaille aussi. Mais en tout cas, ça va jouer vite, a priori, sous Sanders. Donc ça, c'est pas un problème pour moi sur Edwards. Après, sur le côté défensif, clairement, mais de toute façon, le côté défensif à Minnesota, ça sera pas moins une inquiétude après la draft qu'avant. Clairement, qu'on prenne la Melo Ball, qu'on prenne Anthony Edwards, ce sera les mêmes questionnements sur la défense, sur le backcourt. Même avec un Malik Beasley, c'est pas non plus une assurance tout risque de ce côté-là. Donc j'ai envie de dire, bah oui, avec un pick 1, tu prends le talent, et puis sur la défense, quel que soit le choix, de toute façon, ça réglera pas nos problèmes. Okay. En mon avis, en tout cas, Edwards a un peu plus de potentiel de ce côté-là. Peut-être que je me trompe complètement, Nico le saura mieux que moi, en tout cas déjà dès maintenant, mais pour moi, il y a quand même plus de potentiel, ne serait-ce que par les qualités athlétiques. Ok, Cam, pour toi, l'apport en scoring d'Edwards pour les Timberwolves, c'est important? C'est important parce que là, à l'instant T, cette équipe-là, elle n'est pas partie pour bien défendre. Tu as quand même un très beau duo de porte de saloon au poste de meneur et au poste de pivot. Après, comment dire? L'avantage qu'il y a, c'est que parmi les rares locks, il y avait Beasley. Bon, il est en train de se sentir tout seul de l'effectif, donc tu n'as même pas à t'embêter pour mettre Edwards titulaire. Ça, c'est vrai. Mais au-delà de ça, ouais, comme Julien l'a dit juste avant, cette équipe, il faut qu'elle court, il faut du scoring, il faut que tu puisses alterner justement, même si bon après, les gros joueurs d'ISO, c'est cool, mais bon, quand on a deux au poste 1 et 2, j'ai peur qu'ils se marchent un peu dessus. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais de l'autre côté, c'est Edwards qui en a le moins. Et au pire, voilà, comme on dit, le côté porte de salon en défense, il n'aura pas le choix. Il va falloir qu'il se mette à défendre un minimum parce que tu peux pas. Comment dire, il mettra pas 30 points dès le début. Donc en fait, s'il est très mauvais en défense automatiquement, ce sera Okogie qui prendra sa place. Voilà. Ouais. Il va falloir qu'il score très vite par contre. Il faut qu'il soit autour des 17-18 points, ça serait bien. Ok. Mais justement, moi, j'ai une question. Combien de temps Edwards, vous pensez qu'il sera prêt pour endosser le rôle d'un mec à 17 points? La transition vers la NBA, quoi. Parce que si c'est un Anthony Bennett qui met 15 matchs et pour jamais être prêt, ça va être une difficulté. Mais si dès le premier jour, on voit que c'est un mec qui peut être au même niveau que Beasley, qui était quand même un vétéran, c'est tout de suite intéressant, quoi. Nico, pour toi, il est NBA ready directement? Il peut rentrer dans un starting 5 tout de suite? Oui, d'autant plus qu'il va être bien accompagné, puisque quand on va préparer un match contre Mini, il y aura Russell, il y aura Towns. Edward ne sera pas une priorité au début. Donc, je pense qu'il aura justement plus d'espace quand il y est. Oui, ok, il sera moins marqué, moins tagué par la défense adverse, et il aura plus d'espace peut-être pour s'exprimer quand ils seront plus concentrés sur Towns ou Russell. Oui. Okay. Après, la question majeure par rapport à ça, c'est est-ce qu'il va pouvoir en 2-3 mois développer son jeu sans la balle ? Parce que pour l'instant, il est inexistant. D'accord. On suivra ça de près. Avec le pick numéro 2, les Golden State Warriors sélectionnent. Alors là, c'est un vrai casse-tête. Et j'ai sélectionné James Wiseman. Mais je vois bien Golden State trader ce pick. Vu la pub qu'ils font depuis quelques mois, je pense qu'ils essayent vraiment d'enfumer un peu tout le monde en disant lui il est très bien, lui il est très bien, pour essayer de faire monter un peu la cote de tout le monde. Et je pense que c'est pas un super fit James Wiseman, mais c'est le meilleur talent disponible. Du coup, je l'ai sélectionné en sachant que c'est l'homme mystère. Il a fait 3 matchs en NCAA. Sur ces 3 matchs, ce qu'on a vu, c'est une mobilité et une vitesse pour sa taille qui sont hallucinantes. C'est un rim runner. Moi, je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais je le vois comme un Bagley plus grand. D'accord. Et en même temps, il y a un côté LaMarcus Aldridge, dans le côté la recherche de jeu à mi-distance, pas savoir profiter de son corps et de sa taille. Et un côté un petit peu soft. Donc là, je vais direct dans les côtés négatifs. Mais ça reste un joueur qui a tous les atouts dominés physiquement. Il a une envergure de 700. Alors là, je pourrais pas vous traduire, mais on doit être dans les 230 ou quelque chose comme ça. C'est assez hallucinant. Je disais le mystère parce que en dehors des 3 matchs qu'il a fait avec Memphis, le mystère, il est aussi sur son mental. Il y a des rumeurs comme quoi il est un peu friable, problème de confiance. Est-ce que le basket est sa priorité ? Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Les franchises qui ont eu des interviews avec eux, ils auront forcément les réponses à ces questions-là. Pour le côté positif, c'est une machine à rebond. Il plonge sur les pick and roll, il roll. L'impact au rebond offensif, il peut être énorme. C'est un screen and dunk guy. Voilà. Après, en termes de passe, en termes de QI, c'est pas dingue. D'accord. En défense, un rim protecteur. Tu voulais dire ? Juste, tu pourras juste rappeler son âge ? Il a 19 ans, c'est ça, non ? Ou 18 ? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, vas-y. Oui. Ouais, donc c'est... En fait, lui, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais pourquoi je le draft en deux ? Parce que ça peut devenir un joueur qui va peut-être pas changer une franchise, mais qui va permettre à une franchise bien équipée de devenir, d'assurer son avenir à moyen terme. On va dire ça. Une petite stat sur ces 3 matchs de NCAA, il était dans le top 3 des joueurs qui ont concédé le moins de points dans la raquette. Donc il sautait partout, il voulait contrer tout le monde. Donc il y a de la naïveté, mais il y avait aussi de l'envie de bien faire. Donc le point négatif, c'est que sur ce qu'il a montré sur les matchs, il n'était pas capable de switcher sur pick and roll. Donc à voir. C'est quelqu'un qui était trop fort pour le lycée, qu'on a vu 3 fois en NCAA. Donc beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Ok, Cam, avec un profil comme ça, le mettre à Golden State qui a quand même un certain talent pour développer ses joueurs et surtout qui n'a pas besoin de nouveaux talents spécialement puisqu'ils vont quand même, faut pas oublier qu'ils récupèrent Curry et Thompson cette année puisque l'année passée ils ont fait quasiment une saison blanche. Finalement, c'est plutôt un coup de poker qui pourrait être ultra payant, non ? De ouf. Surtout que d'expérience, en fait, Golden State, ils n'ont jamais eu de mal à fabriquer des big men. Ils ont fait renaître, descendre Bogut après ses grosses blessures. McGee, je vais même pas en parler parce que depuis, il a eu... Oui. Ah, apparemment, il y a un sniper qui vient d'abattre Cam. D'intérieur légendaire. Attends, redis ce que tu viens de dire parce que ça a coupé. Redis-nous. Il a plus de bacs que Hakim, que Charles Barkley, que beaucoup d'intérieurs qui méritent mieux, mais ça, c'est un autre débat. Bref, au-delà de ça, en fait, Wiseman, en fait, comme il l'a dit, il a un bon shoot. Il a vraiment un bon shoot, que ce soit à 3 points au mid-range. Et simplement, en fait, il n'aura pas beaucoup la gonfle. Parce qu'entre Curry et Thompson, Green, je ne sais pas comment il va revenir, mais s'il est en forme, il se sera toujours le 3e initiateur. Ce qu'il faut, voilà. Par contre, ce qui est. Et ça a été très bien résumé avant moi, il va falloir qu'il devienne méchant et que la naïveté, elle s'efface très vite. Il n'a pas eu le temps d'essayer pour bosser tout ça, parce que c'est justement le côté bien gérer l'agressivité, pas faire de fautes stupides et pas se faire marcher dessus. Ouais. Après, physiquement, des seven footers comme ça, il y en a plein. Comment dire, il a un bon physique, il avait un physique de monstre à essayer en NBA, c'est une norme, on va dire. À voir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que enfin, moi, en tout cas, je le vois. Je pense qu'il aura des grosses minutes, parce que derrière lui, il n'y a pas d'autre solution à l'intérieur. Mmh. Et de toute façon, en fait, comme tu l'as dit, il n'y a aucun risque qui est pris. Si ça ne le fait pas, bah, ils le traderont l'an prochain, un truc comme ça, contre un vétéran, etc. Mais dans tous les cas, Golden State est gagnant. Si d'ici là, il ne le trade pas. Mais ça, c'est un autre débat. Ok, juste pour toi, Golden State garde son pick et prend Wiseman ou t'as un autre plan pour eux? Bah, c'est vrai qu'avec les écrans de fumée qu'ils mettent là ces dernières semaines, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Descendre, pourquoi pas à la draft, ça peut être intéressant, mais moi je reste quand même convaincu que Wiseman ça peut être un bon choix pour eux. Finalement, c'est le seul poste où ils vont avoir un vrai besoin. Alors, avoir Kevin Looney s'il revient et si Golden State peut compter dessus, ce qui a semblé être un peu le cas, être un peu les mots de Steve Kerr. Mais ça me paraît être un bon choix pour eux, c'est pour tout ce qui vient d'être dit. À juste titre, je pense, par Nico et Cam, sur le profil, sur ce qu'il peut apporter. Je veux dire, ça ferait quand même un 5 qui serait, à mon sens, assez équilibré. Si tu as un Steph Curry, un Clay, un Wiggins, un Green qui peut porter la balle à côté de lui, en plus en chien défensif, une raquette Green-Wiseman, je trouve que c'est quand même pas mal. Green qui est capable de s'écarter un petit peu, alors pas forcément pour shooter, mais surtout pour faire un peu de playmaking. Avec les shooters autour, une tour de contrôle dans la raquette, je pense que c'est intéressant pour Golden State. Donc, si tu arrives à trader le pick, à voir avec qui s'il trouve un partenaire pour trade down ou pour aller chercher du vétéran, mais ça j'ai un petit peu plus de mal à le voir. S'il garde le pick, pour moi Wiseman c'est la meilleure cible. Ok, Easy, un joueur de 19 ans dont on dit que sa priorité numéro 1 c'est pas tout à fait le basket, est-ce que tu trouves ça vraiment inquiétant ou tu dis que c'est plutôt lié à l'âge? Non, je me dirais que c'est l'âge, mais après je me dis que tomber à Golden State ce serait peut-être ce qui pourrait lui arriver de mieux. Alors, ce serait peut-être pas le meilleur joueur pour Golden State, mais pour lui, je pense que ce serait la meilleure équipe. Justement, par rapport à son côté mental, que le basket, si c'est pas sa priorité ou quoi, Golden State, c'est un peu une famille. Et puis Steve Kerr, même si je suis pas fan du coach, je reconnais que l'humain, il est assez exceptionnel. Il a ce rôle de deuxième paire. Donc, je me dis que ce serait l'endroit idéal quoi, pour le voir éclore. Mais Izzy, ce que tu dis, je confirme. Parce que en fait, le choix, j'hésitais un petit peu. Et justement, je me suis mis un peu dans la peau du gamin. Et en fait, c'est effectivement le meilleur endroit pour lui, pour dans ses, on va dire, le top 5 pick, de pouvoir éclore. Donc, c'est à la fois un bon fit, je pense, pour Golden State par rapport à la Melo Ball. Parce que on peut clairement se poser la question de la complémentarité entre Curry, Thompson et LaMelo, alors que pour Wiseman, il semble qu'il y ait quand même un trou à combler et ça pourrait être un bon fit. Et puis pour ceux qui auraient des doutes sur son mental, je vous rappelle que dans les pivots, le mec qui va lui apprendre le métier, c'est Draymond Green. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais à mon avis, je crois qu'il n'est pas à l'heure à l'entraînement, ça arrivera qu'une fois. Voilà. pour le pick numéro 3, les Charlotte Hornets vont nous sélectionner LaMelo, la France Ball, parce qu'il faut le savoir, le mid-name de LaMelo c'est la France. Voilà, quand même. Ça méritait d'être dit. Donc voilà, j'ai LaMelo, le plus gros talent disponible. Alors, beaucoup, si ce n'est tout le monde, le connaît. Pourquoi? Parce que son père, c'est LaVar Ball, parce que son frère, c'est Lonzo. Donc, c'est une star depuis qu'il a 13 ans. Ça, c'est tout la côté basket, mais en fait, c'est important. C'est aussi pour ça que je vais en parler. Par exemple, il a plus de followers que 90% des joueurs NBA actuels. Donc, avec un parcours ultra bizarre, donc la Lituanie, la Spire Academy, l'Australie, où il a fait que 12 matchs dans la pire équipe. Malgré ça, ça reste un joueur avec un instinct assez incroyable en termes de base. Il fait 2m01. Il peut jouer poste 1, c'est ce qu'il a fait principalement. On peut aussi le décaler en poste 2. Sur ses 12 matchs, même si l'équipe était mauvaise, il a quand même aligné 17-7-7. Donc, c'est un joueur forcément à suivre. Pas un athlète incroyable, mais il a une longueur et il a des qualités qui lui permettent quand même qui vont lui permettre de pouvoir exister au niveau NBA. Et donc, un joueur de pick and roll, un handle main gauche main droite assez incroyable, une vraie vision de jeu. Mais après, comme pour son frère, il y a un point d'interrogation sur le shoot, puisque la mécanique, elle est, je ne sais pas si c'est l'avare qui leur a appris à shooter, mais en tout cas les deux, c'est terrible à voir. Et lui aussi, mais ça fait, c'est un peu des défauts, c'est des gamins, on parle d'un 2001, le jeu sans ballon pour l'instant, c'est, voilà, ils ne savent pas, ils n'ont pas l'habitude. Donc ce côté créateur, ce côté passeur, un jeu à risque, mais malgré ce jeu à risque, il a un excellent ratio balle perdue, passe décisive, donc voilà, à voir. Magnifique passeur, scoreur. Pour la partie défensive, je pense que voilà, c'est un peu plus difficile que Lonzo. C'est pas un grand défenseur. Il peut le devenir, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui le passionne ou qui l'intéresse pour le moment. Ok. Easy, les Hornets ont pas vraiment un leader charismatique. Hein. C'est une bande de jeunes qui joue. Le fait d'avoir comme ça peut-être une star qui vient un peu faire la tête de gondole, finalement, c'est un truc qui peut bien lui aller. Et aller ouais, vite. Bah c'est son registre quoi. Hein. Vu ses followers apparemment, et puis bah Charlotte en a besoin. Ils ont perdu Kemba qui était le leur seul All-Star. Mm-hmm. Ils ont besoin de vendre un peu des maillots aussi, comme on le disait en off, c'est un business tout ça. Mm-hmm. Donc je pense que ce serait un choix assez intéressant pour eux. Après, quand tu draftes LaMelo, tu sais que voilà, va falloir lui donner le ballon. Ce sera un peu à l'image d'un Triangle, quoi. C'est pas vraiment le même jeu, mais tu vois, dans le sens, tu sais qu'il a des défauts en défense justement, mais que tu le draftes pas pour sortir du banc ou pour être un role player, quoi. Tu le draftes parce que tu veux le développer en tant que star de ton équipe. Donc ouais, pourquoi pas. Après, Charlotte, il y a de la place, hein, même si il y a Rozier et Graham. Voilà, c'est pas des borderline All-Star, donc il y a de la place pour s'imposer. Ok. Julien, pour toi, le fit est bon à Charlotte ? Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est ce qui était dit juste avant. Par Izzy, il y a déjà Graham et Rozier, donc il y a déjà un petit peu plus de monde sur les lignes arrière que dans une raquette qui est quand même nettement plus légère. Donc c'est vrai que moi, j'ai sur les comptes FR, sur la mock draft qu'on est en train de faire, le compte FR de Charlotte a drafté Okongwu, si je dis pas de bêtises, pour étoffer la raquette, ce que je trouve pas complètement insensé, même si c'est Nico me corrigera s'il pense le contraire, mais ça semble quand même être un reach pour Okongwu de rentrer dans le top 3, même si moi j'adore le joueur. Attends, excuse-moi, juste je te coupe un instant, mais on parle souvent de fit, etc., mais en fait c'est biaisé parce qu'on parle de fit de l'année dernière. Le roster, il va évoluer et tu vois, c'est bizarre en fait de se dire de prendre un rookie pour le fit alors que bah, finalement tu vas avoir des agents libres, tu vas avoir des signatures, des trades, etc. Oui, mais finalement, a priori, Charlotte va pas attirer non plus beaucoup de monde. C'est pas un gros marché. Ouais, puis le marché des agents libres sur le poste, ouais. sur le secteur intérieur, c'est pas folichon parce que ouais. je l'ai regardé pour les Wolves. Après, moi, sur Charlotte, je vous rejoins sur la Melo Ball pour le côté shine. Déjà, pour les plus de toute façon, la draft top 3, on va chercher le talent. Et donc, a priori, la Melo, au niveau talent, c'est quand même un des meilleurs sur cette draft-là. Donc, moi, ça me déplaît pas du tout de voir la Melo tomber en 3 à Charlotte. Au niveau du fit, j'ai pas de problème. Au niveau de la place à prendre, j'ai pas de problème. Et comme c'était dit, ça peut attirer un petit peu de. Ça peut être justement un peu la star en devenir, en tout cas, qui vont essayer d'exploiter sur un roster qui est jeune, qui est en pleine construction, donc non, ça peut être intéressant pour eux, clairement. Cam, est-ce que tu es du même avis que la majeure partie d'entre nous? Ouais, globalement, ouais. J'ai du mal à être objectif parce que honnêtement, je suis pas fan de ce genre de joueur qui est très très très médiatisé, très populaire. Enfin, Bleacher Report et Slam, je pense que s'il tweet pas sur les balls une fois par jour, ils explosent. Après, au-delà de ça, Okongwu, j'adore le joueur, mais je pense que c'est trop pour aller le chercher puisqu'il a un profil. C'est une bête physique, gros défenseur, etc. Mais chaque année, il y en a un à la draft. Mm-hmm. Des mecs comme Ball, c'est un profil assez unique, etc. Donc pourquoi pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que leur effectif à l'instant T à Charlotte, il est pas abondant. Mm-hmm. T'as trois guards intéressants et encore trois. Attends, là, t'as Graham que j'aime beaucoup, Rozier, c'est très régulier. De toute façon, dans tous les cas, Charlotte, ils gagneront pas de match l'an prochain, je pense pas. Ils auront pas de pivot, ils vont toujours défendre aussi mal. Donc partant de là, prends le meilleur potentiel possible et vois où tu peux aller avec lui. Puis si tu vends des maillots entre temps et que t'as une saison de télé-réalité à Charlotte, bah écoute, pourquoi pas. Hein. on prend du côté de Charlotte. J'imagine le fan de Charlotte qui écoute là. Ah, moi, j'imagine, j'imagine la, Vous imaginez une petite réunion avec le Père Ball et Michael Jordan dans le bureau, avec le Père Ball qui essaie de lui faire la leçon. Ça va être. Je te prends un verre. Ça va être très bon. Xavier, juste si je peux poser une petite question à Nico. Allez, avant d'enchaîner. Oui, bien sûr. Juste sur le top 3, justement, qu'on vient de sortir de ce draft-là, qu'on annonce. Dans le podcast, en tout cas, il y a quand même un doute qui me semble commun sur les trois prospects, qui est plus au niveau du mental et de l'implication. C'est, je ne sais pas si Nico, tu as un peu de recul par rapport à ça, vu que tu fais toutes les drafts, que vous êtes quand même spécialisé sur le sujet. Est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que tu vois une nouvelle tendance générationnelle ou autre, par exemple, par rapport à ce problème-là ? Parce que c'est vrai que c'est quand même des doutes qu'on retrouve pas mal dans cette draft, j'ai l'impression, et notamment sur les plus hauts prospects, quoi. Je pense que c'est très rare d'avoir autant de doutes et de mystères sur trois joueurs qui peuvent être donc des top 3 picks. Vraiment. Non, après, Edwards, on va dire que c'est là où on a le moins de questions. Dans le sens où on sait ce qu'on va avoir du bon côté et du mauvais côté. Du côté de Wiseman et Lamelo, c'est des joueurs qui ont très peu joué et qui sont un peu, on va dire, des enfants de la hype, et qui n'ont pas cherché à revenir sur un terrain aussi, parce qu'ils se disaient, bon là c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour être drafté dans le top 5, donc si je rejoue, limite, je vais plus perdre de points qu'autre chose. Donc c'est vraiment un top draft assez, assez étrange, effectivement. Ok, merci. Ok. On va passer au pic numéro 4 avec les Bulls de Chicago. Moi, juste avant de fermer le chapitre Lamelo, oui, juste les retours qu'on a eu chez Envergure, c'est que il est en train de flinguer ses interviews. Alors on ne sait pas s'il le fait sciemment pour descendre ou s'il est vraiment stupide, mais en tout cas il a flingué au moins deux interviews avec les franchises. D'accord. Voilà. Et du coup, pourquoi accepter de faire les interviews si c'est pour les foirer? C'est étrange, non? Parfois ils n'ont pas le choix parce qu'il y a eu des interviews qui ont été imposées, notamment avec certains médias, et la question des rumeurs qu'il y a pu avoir autour d'un éventuel accord avec les Knicks, moi je trouve ça un peu farfelu parce que les Knicks ils sont à la 8ème place et je vois pas Lamelo descendre à la 8ème place, donc moi je mise sur la stupidité, hein, tout simplement, sur un gamin qui roule en voiture de luxe depuis qu'il a 13 ans et qui a pas forcément les deux pieds sur terre. Ok, et donc là les fans de les fans de Charlotte viennent définitivement de sauter par la fenêtre là. On les a... là ouais, bon. Mais après même au-delà de ça, même sans parler de son train de vie avant, enfin faut quand même relativiser, se dire que les mecs ils ont 19 ans et enfin nous à 19 ans, je sais pas comment on était, mais on avait peut-être aussi parfois un peu de pression pour une interview, pour un job, quoi. Donc bien sûr, ouais. Et ça peut venir plus tard, quoi. Moi j'annonce, hein, je pense que si j'avais été à la place d'un Lamelo Ball à 19 ans, je pense que j'aurais été peut-être même plus qu'un petit con, j'aurais été même un grand con. Donc je dis ça bien évidemment, et tu as raison de remettre en perspective. C'est des jeunes et c'est parfois entre guillemets logique qu'ils arrivent à avoir des grosses têtes comme ça. Mais voilà, je voulais souligner parce que c'est un retour qui a été assez fréquent de la part des scouts. Ouais, je confirme, Minnesota, l'entretien se serait pas très bien passé. Après, c'est des rumeurs aussi qui sont sorties, hein, mais on ne sait pas trop le faux du vrai. Mais en tout cas, c'est aussi la rumeur qu'il y a eu chez Mini que l'entretien se serait pas si bien passé que ça. Après, ça veut dire quoi, pas bien se passer? Il a quand même pas baissé son froc pour pisser sur le bureau. Je veux dire, il a peut-être simplement dit clairement, voilà, moi je veux pas venir chez vous parce que vous êtes un petit marché, parce que je veux briller, parce que je sais pas quoi, tu vois, c'est toujours ça qu'il faut, les infos elles viennent un petit peu comme ça, brutes, et après tu peux les traiter comme tu veux. Foirer son entretien, tu peux aussi avoir un mec qui fait l'insider, qui aime pas spécialement le type, et qui va dire, ouais, il a pas bien répondu aux questions, alors que peut-être que le gars a juste répondu normal, et les réponses ont pas plu, ça peut être tellement de choses, et malheureusement, il subit aussi ce que son père a fait, à montrer de leur famille quand Lonzo Ball a été drafté, et même après. Donc c'est une famille qui a une cible dans le dos, et il en reste encore un des gosses qui doit arriver après. Il aura les mêmes problèmes que ses frères, c'est normal. C'est normal. En espérant qu'il réussisse mieux que Lonzo Ball, parce que là pour l'instant c'est compliqué. Et à mon avis, c'est pas fini. En quatrième pick, on a les Bulls. On t'écoute, Nico. Alors là, Onyeka Okongwu. qui est lui aussi un relié à la famille Ball, puisqu'il a été formé à China Hills. Et donc, pour faire simple, pour moi, ça peut être un futur Adebayo. C'est un rim runner plus, donc un intérieur moderne. Il manque le tir extérieur, mais il part de moins loin que Bam à l'époque. Mm-hmm. Donc, c'est un athlète avec la tête au cercle, qui a une excellente activité avec ou sans la balle. Physiquement, il y a encore un peu de force à développer au niveau du tronc, au niveau du haut du corps. Après, en défense, il y a vraiment tout. Il y a tous les ingrédients, la protection de cercle, la capacité de switcher, de défendre sur des postes 3-4-5 en NCAA. Lorsque en NBA sera plus 4-5. Il a un pourcentage de contre qui est assez hallucinant parce que sur les actions où il était dans la raquette, c'est 10% de contre. Donc, c'est un joueur intelligent, bon screener avec un bon toucher. Le côté passe et passeur est plutôt à développer. La mécanique de shoot, elle est pas dingue, mais pour un joueur de sa taille, elle est plutôt pas mal. Donc du coup, il y a eu très peu de pick and pop pour le moment. Ça viendra. La gestion au lancer franc, elle est très propre. Donc ce qui me fait dire que voilà, il a tout s'il tombe entre de bonnes mains. Je ne sais pas si ça sera le cas à Chicago, pour se développer. Ok, Julien, une raquette au Kongu avec Wendell Carter Jr., c'est ça pour les Bulls ? C'est bon ? Défensivement, c'est solide en tout cas, ça semble. D'après ce qu'on voit sur Okongu, ça peut donner quelque chose d'intéressant au niveau de la raquette. Moi, c'est mon chouchou. J'en reparlerai donc du coup dans la dernière partie, mais c'est clairement le joueur que j'apprécie vraiment, vraiment dans le top 15 de la draft, on va dire. J'adore le profil, j'adore ce qu'il peut apporter immédiatement, j'ai l'impression, à une équipe NBA. J'aime bien le profil intelligent du joueur, plutôt collectif, que tu peux intégrer à peu près n'importe où, donc aux Bulls ou ailleurs. Je pense que c'est un gars qui va pouvoir apporter sans problème. À Chicago, j'aurais peut-être plus vu au niveau des ailes sur le choix. J'avais vu d'autres possibilités, mais au Kongu, ça se prend complètement. Après, quid du coup de Markkanen? Si tu prends Okongu, tu as Okongu, Markkanen, Wendell Carter, donc tu as trois gars à développer en développement, où tu as mis des espoirs sur eux, sur deux postes. Pourquoi pas Markkanen en sortie de main, hein, mais à voir si le garçon il est d'accord avec ça, etc. Donc c'est qu'il y a des incertitudes autour de lui aussi. Donc Okongu, moi je serais à peu près n'importe quelle franchise, j'irais les yeux fermés. Ok. Cam, pour toi, le fait de drafter Okongu, ça voudrait forcément dire que ou Wendell ou Markkanen sont tradés dans la suite ? Bah, à l'instant T, oui, parce que y a embouteillage sur deux postes. Markkanen en 5, c'est compliqué parce que pas assez méchant, pas assez bon rebondeur. Ouais. Wendell Carter, j'aime beaucoup, mais beaucoup blessé. Il a pas encore fait de saison pleine malgré tout son potentiel. Et au-delà de ça, cette équipe-là, en fait, elle a pas progressé en fait depuis un petit moment, quoi. Il y a pas mal de bons jeunes, etc. Mais même, il n'y a pas de... Ils avaient une chèvre au coaching, donc ça n'aide pas, hein, forcément, Jim Boylan, une pensée pour toi qui va au chômage. Mais il n'y a pas de fond de jeu. Et il n'y a pas de culture, surtout. Alors que l'avantage qu'il y a, c'est qu'au Kongu, comme Julien l'a dit, tu sais ce qu'il va t'apporter, de la défense, du rebond. Nicolas dit avant du contre. Et... je pense qu'ils vont se donner quelques mois, voir où ça va, voir si Markkanen et Wendell Carter Jr. reviennent à leur bon niveau. Mais après, c'est une équipe qui a le temps. Et s'il faut en balancer un des trois, enfin, plutôt Markkanen ou Wendell Carter, je pense, sur un trade, ils le feront. Je serais pas étonné. Si t'arrives pas à avoir un ailier ou un meneur fort, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Draft au potentiel. Ok, easy. Ton avis sur les Bulls, ils partent dans la bonne direction. On sait qu'ils viennent de changer, donc à peu près tout ce qui était possible de changer au niveau de front office et du coaching. Donc est-ce que c'est Billy Donovan, hein, qui est là-bas maintenant? Est-ce que c'est le bon coach pour un joueur comme ça? Alors, je pense que c'est le bon coach pour tous les jeunes qu'il y a à Chicago. Il est réputé quand même pour former, pour être un bon communicant et pour être bon avec les jeunes. Il y a le staff médical aussi qui a changé. Donc pour toutes les blessures, là, les Otto Porter, les Wendell Carter, etc., ça va, je pense que ça va aller mieux. Otto Porter aussi, j'avais oublié celui-là. Ouais, et Hutchison aussi qui se blesse à peu près 3 matchs sur 2, donc c'est compliqué. Mmh. Et sinon, aller au talent, et de toute façon, Karnišova s'est arrivé, il va faire son petit ménage, sa petite cuisine, et puis il va aller avec ses idées, et puis on va bien voir, mais au moins, c'est une équipe qui, j'ai envie de dire qu'il, ça va être méchant, mais qu'il se professionnalise par rapport à toutes les années de Paxson et de Foreman et de Højbjerg, de tout ça. Et là, elle se professionnalise, ils ont rajouté des scouts, ils ont un vrai coaching staff. Honnêtement, quel que soit le mec qu'ils prennent ou quelle que soit la décision qu'ils prennent, moi, je suis assez confiant pour les Bulls. Et le fait que je sois fan n'a rien à voir là-dedans. Ok. On est bien d'accord que avant c'était juste drôle, maintenant vous passez pro cette année, quoi. Ouais, voilà, voilà. Mais vraiment, j'ai vraiment cette sensation, quoi. D'accord. Mais je peux la comprendre. C'est ici qu'on va voir si Nico va poursuivre le reste de l'émission avec nous ou pas, avec le choix numéro 5 qu'ils ont attribué aux Cleveland Cavaliers. Qui vont-ils sélectionner et pourquoi Toby Hopin? Denis Avdija. Ah. Maccabi Tel Aviv, ça va changer niveau météo. C'est un all-around, un ailier all-around de 2m03 qui donc peut être vu en Euroleague actuellement, qui s'est surtout montré parce qu'il a été deux fois champion d'Europe U20 et deux fois MVP. Le papa est serbe, il a été pro. Il est chouchouté par Amare Stoudemeyer et les anciens joueurs NBA du Maccabi. Ouais. C'est donc, comme j'ai dit, 2m03, une taille intéressante du coffre. Pour un joueur européen, c'est un joueur athlétique. Et pour un joueur NBA, c'est en dessous de la moyenne. Gros caractère, grosse personnalité, grosse mentalité, du QI. Un enfant choyé qui n'a pas grandi dans le ghetto, mais qui a une mentalité col bleu. Il a en plus, on l'a vu avec trois rôles différents. On l'a vu superstar en équipe de jeunes, on l'a vu bench player en Euroleague, et on l'a vu joueur très important pendant les playoffs israéliens, puisque post-Covid, il y avait quand même pas mal d'Américains qui n'étaient pas revenus, et il a eu un rôle très important. Il a été élu MVP des playoffs, mais c'était plus, je pense, pour le faire mousser auprès des scouts NBA qu'autre chose. Amare Stoudemeyer le méritait plus, ça c'est pour la petite anecdote. Sinon, sur le jeu, il peut tirer, il peut passer, il peut dribbler. Il peut tout faire, mais il n'a pas de très gros points forts. Donc c'est là où on l'attend. Parce que moi, j'ai tendance à dire que si tu n'as pas un gros point fort, tu ne peux pas réussir en NBA. Donc lui, voilà, il y a le talent, il y a la mentalité, mais on attend à ce qu'il se construise un move ou quelque chose sur lequel il va pouvoir s'appuyer. Il y en a qui le comparent à Gallinari. Moi, je trouve pas forcément, peut-être physiquement un petit peu, mais en tout cas, en jeune, il montait la balle. Il tenait la balle sur les pick and roll. Chez les adultes, il est plus 3-4. Défensivement, un joueur intelligent, ni mauvais ni bon, est capable de vivre sans le ballon. Donc ça va être important dans l'équipe dans laquelle il va tomber. Au cadre, ça c'est clair. Il peut switcher sur les picks. Donc voilà un petit peu le profil du premier européen drafté du coup. Alors bon, comme c'est mon équipe, hein, je vais me tailler la part du lion. Je vais vite donner mon avis. Moi, j'aime beaucoup le joueur. C'est mon petit chouchou de cette draft-ci. Alors, j'aime bien le basket à l'européenne parce que c'est des mecs qui savent bosser et c'est des mecs qui sont capables d'apprendre et de progresser aussi. Là où les Américains ont toujours cette tendance à faire un petit peu à pile ou face, je trouve. Pour l'instant, Cleveland manque un petit peu de tout. Donc avoir un mec qui est capable de faire un peu bien tout, je pense que ça permettra de mettre une assise un peu plus stable et d'éviter d'avoir un gros trou d'air sur un des postes, que ce soit en sortie de banc ou que ce soit dans un starting five. Là pour l'instant, vous avez Chedi Osman qui a un peu le même genre de profil, joueur européen, qui est arrivé aussi avec les Cavs, avec beaucoup d'envie, sans avoir vraiment de choses en particulier de points forts. Au fil du temps, il a développé un shoot à 3 points qui est vraiment pas dégueulasse. On a quand même des bons formateurs pour ça du côté de Cleveland. Il est devenu capable de défendre, de bien défendre aussi. Donc ici, j'ai l'impression qu'on draft un petit peu son petit frère. Et du coup, ça me pose absolument pas problème. Je pense que ça pourrait faire une bonne rotation dans un premier temps et voir si à la longue on n'a pas de quoi suppléer à Chedi Osman et de savoir ce qu'on fait avec Chedi Osman derrière, est-ce qu'on le trade, est-ce que pas. Donc ça c'est à voir derrière comment ça peut se passer, mais Je pense que dans cette zone-là, vu les pics qui risquent de tomber, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver sur le marché. Cam, quel est ton avis sur le fit entre Cleveland et Monsieur Avdija? Avdija ou Avdija? Comment ça se prononce? Je sais pas. J'ai entendu Avdija. C'est Avdija. Avdija, voilà. Merci bien. On a même des linguistes ce soir. Ouais, ils savent tout en verrure, c'est une folie. Ah non, mais je vois ça. Numéro du loto, s'il vous plaît. Non, plus sérieusement, comme tu l'as dit, il a pas de gros points forts, c'est pas un gros shooter, etc. Mais il a beaucoup de bons points. Il sait faire beaucoup de choses déjà pour un jeune de son âge. Et comme tu l'as dit, il est hyper jeune. C'est vraiment. 19 ans. C'est un des bébés de cette draft. Après, moi, là, le seul point d'inquiétude que j'ai avec lui, c'est son premier pas. Okay. Parce que en Euroleague actuellement, il faisait beaucoup de catch and shoot. En fait, comment dire, il y avait pas beaucoup d'ISO, quoi. Et bon, j'aime beaucoup l'Euroleague, mais physiquement, c'est pas les mêmes bêtes que dans NBA. Et je. Comment dire. On le compare beaucoup à Doncic, mais Doncic, il avait cette capacité, et il l'a eu au jour 1 NBA, d'éliminer son mec sur un dribble, sur son premier pas qui justement est vraiment bon, etc., malgré un physique limité. Avdija, je ne sais pas s'il va l'avoir. Mais je pense par que contre, c'est... comparer les deux, hein. Je suis désolé de te couper. Oui, complètement. En Euroleague, Doncic, il jouait vraiment meneur, il était créateur. Lui, en Euroleague, il n'est pas du tout créateur. Il est vraiment dans la position de poser des écrans, relayer, se mettre dans un coin pour attendre qu'on lui donne la balle. Donc, c'est vraiment deux profils très différents. Ah oui, non, complètement. Après, voilà, c'est les médias américains qui, je pense que ça a été dit redit, mais ils se sont enfin rendu compte qu'en Europe, il y avait du talent, sauf que du coup, ils font toujours des amalgames monstrueux. Mais bref. Au-delà de ça, il va avoir le temps à Cleveland. Je pense que vraiment l'équipe, là, à l'instant T, t'as quand même un bon noyau de jeunes, Garland, Sexton, Steph l'a dit avant, Sidney Haussmann, etc. Il aura le temps. Bon, le coaching, moi, tu demandes à un fan de Memphis de parler de Bickerstaff, ça va être compliqué, mais il aura le temps. Et surtout, il aura les clés du camion, je pense. Après, surtout, ce qu'il a pas par rapport à tous les autres qui sont draftés au-dessus, c'est le leadership. C'est un gros bosseur, je pense qu'il va vouloir envie de tirer son effectif vers le haut, parce qu'il a de l'expérience. C'est vraiment un bon fit. Et ça serait une grosse connerie de passer à côté. Ok, Julien, donc on a entendu plein de choses. On sait que le gars a déjà joué en Euroleague. Donc, mine de rien, il a quand même déjà une expérience des matchs sous pression. Hein, ça, c'est toujours bon à prendre. Est-ce que pour toi, le fit à Cleveland, il est là? Ou est-ce qu'il devrait peut-être aller vers Isaac Okoro, qu'on n'a pas encore cité pour l'instant? Pas grand chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit avant. Je pense que le fit est meilleur qu'Okoro à Cleveland pour toutes ces raisons-là, notamment au niveau du profil mental du joueur sur le côté expérimenté au niveau professionnel. J'ai vu notamment sur Envergure qu'il y avait juste un petit doute sur le fait justement que ce soit un très très gros caractère. Et est-ce qu'il serait super bien adapté à un noyau de jeunes justement autour de lui Il n'y a pas que des jeunes. Ouais, mais du coup, il sera peut-être encadré aussi par du Tristan Thompson, etc. Mais c'est vrai que là, vous misez quand même pas mal sur Darius Garland, notamment, et Colin Sexton, évidemment. Kevin Porter Jr. aussi. Donc, il y a du monde à Cleveland. Et je pense que son profil, un peu justement complet, un peu touche à tout, un peu de playmaking aussi depuis les ailes, là, pour des fois prendre le relais de Sexton ou Garland avec la balle. Et pouvoir après, pourquoi pas distribuer quelques passes pour les deux là, qui sont plus des profils quand même scoreurs. Mm-hmm. Je pense que ça peut tourner, ça peut donner quelque chose d'intéressant à Cleveland. Donc j'aime bien Okoro, j'aime bien le profil. On en reparlera juste après, on en parlait avant de lancer le podcast entre nous sur le côté offensif aussi peut-être de Okoro qui a peut-être quelques limites. Donc non, sur Cleveland, je partirais plutôt sur Avdija. Ok, Easy, est-ce que pour toi le fait d'avoir justement un joueur qui est plus discret, on va dire, dans un effectif qui a quelques petites pépites qui ne demandent qu'à briller de mille feux, est-ce que pour toi c'est ça qu'il faut à Cleveland ou est-ce qu'il faudrait encore rajouter quelqu'un qui veut la balle en main? Non, justement, moi c'est ça qui me fait peur et je pense que Avdija est meilleur que Okoro, mais dans cette équipe-là, justement, par rapport à ce que tu disais, Jules, moi j'aurais plutôt mis Okoro qui a son profil défensif. Parce que j'ai l'impression qu'Avdija, tu vois, il a plus besoin d'avoir une hiérarchie claire. Et qu'à Cleveland, c'est un peu bon à celui qui voudra le plus se montrer pour le moment. Parce que c'est vrai que c'est pas mal de jeunes, pas mal de mecs qui aiment avoir le ballon. Donc ouais, moi ça, c'est pas, je trouve pas que le fit soit très bon, mais je pense qu'à ce niveau-là de la draft, c'est le meilleur talent. Oui, je suis d'accord aussi. Après, faut pas oublier que c'est pas parce que vous êtes drafté. J'ai peur qu'ils se perdent en fait. C'est pas parce que vous êtes drafté 5ème par exemple à Cleveland que vous allez forcément être dans le starting 5 et qu'il va falloir vous trouver une place tout de suite et qu'on va vous, il va falloir vous trouver. Voilà, mais j'ai peur qu'ils soient jugés trop vite comme regarde, il a pas mis 20 points, ça y est, tu vois, des petits détails comme ça, alors que ouais. Okoro, lui, même s'il met pas ses 20 points, tu sais que voilà, il aura éteint 2-3 joueurs dans le mois quoi. Il faut voir aussi qu'à Cleveland, on aime bien, je sais que ça peut paraître paradoxal, les gens qui bossent. C'est une région qui est quand même assez, assez dure au niveau du climat, etc. Et notamment au niveau de l'industrie, chômage, etc. Donc c'est au niveau du public, je pense qu'avoir un mec comme ça qui est plutôt discret et plutôt un taffeur, c'est pas pour rien que Shady Osman est un des chouchous du public à Cleveland. C'est parce que il a ce côté... voilà, il n'y a rien qui est gagné, il faut qu'on mérite tout ce qu'on a, et il a un peu ce même genre de profil. Donc moi j'aime bien déjà dans la tête, dans l'attitude et le background, il a déjà quelque chose qui pour moi peut fitter, ne fût-ce que sur son environnement. Tu penses toi que c'est Avdija qui va tirer les autres vers le haut plutôt que le contraire en fait? Non, je pense que c'est pas qu'il va tirer vers les autres vers le haut, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il va pas créer un nouveau trou d'air quelque part dans l'effectif. Moi c'est surtout ça le truc. Je trouve que Cleveland ne peut plus se permettre d'avoir un mec qui a un bon point, mais qui a derrière une énorme tare. Le fait qu'ici il soit un peu all around, je me dis que t'as déjà une base de travail qui est très sympathique. Après, c'est au development player de les faire monter, de lui trouver. Pourquoi pas en faire un spot-up shooter, j'en sais rien, un truc du style. Voilà, il faudra voir comment. Faudra voir. Il a des vétérans qui seront là. Il y a quand même toujours Kevin Love. Il y aura Thompson, Drummond, ça on sait pas exactement comment ça va se passer. Tu as même un Mathieu Dellavedova aussi qui est là. Donc voilà, il aura des gens pour pouvoir se développer et pour pouvoir prendre de l'exemple. Et moi je pense que ça reste le meilleur fit effectivement pour Cleveland. Alors, okay. On va passer au choix numéro 6, les Atlanta Hawks. Eh bien, c'est le buffle d'Atlanta qui retourne chez lui, Isaac Okoro. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Isaac Okoro, c'est Butler 2.0 avec les épaules de Jay Crowder. C'est un gros défenseur qui peut exister sans le ballon, qui est puissant, qui a une belle lecture. Mentalement, c'est quelqu'un qui est très mature, très un taiseux, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Pour ceux qui suivent un peu la NCAA, Bruce Pearl, qui était son coach à Auburn, ce n'est pas forcément un tendre, ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour faire jouer les jeunes. Eh ben, les freshmen, les premières années. Okoro, lui, pour sa première année, il a joué 31 minutes. Et donc 13 points, 4 bons, pas des stats dingues. Mais là où il a le plus fait parler de lui, c'est qu'il s'est présenté match après match comme le meilleur défenseur de la draft. Ouais. Il va aller sur les grands, il peut switcher du poste 2 au poste 4, les petits postes 5. Il a moins d'une interception et d'un compte par match, mais en fait, il est dans la dissuasion, c'est assez énorme en fait l'impact quand il est sur le terrain et quand il est sur le banc. Donc par rapport au temps de jeu garanti, le fait qu'il soit drafté aussi haut alors qu'il apporte de la défense qui n'est pas forcément quelque chose de recherché dans les 10 premiers picks, ça va dépendre du développement de son tir. Pour l'instant, la gestuelle est moche. Le shoot, c'est pas terrible. Par contre, c'est un très bon finisseur. Il s'ouvre le chemin à coup d'épaule. La transition NCAA vers NBA, je pense que vous avez juste à regarder ses cuisses. Si vous ne l'avez pas vu, c'est les plus beaux cuisseaux de la draft. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser sur là-dessus. En plus, il a un très bon handle. Il peut driver des deux mains. Donc, il est... Voilà, pour moi, la stat qui résume un peu Okoro, c'est qu'il est à 2 passes décisives de moyenne alors qu'il touche très très peu la balle. Donc, c'est un vrai passeur fonctionnel qui est à moins de 30% sur uniquement des tirs ouverts. Donc, pour l'instant, il y a vraiment ça à développer. Mais sur le reste, sur l'aspect vaillant, gros défenseur, qui joue pour les autres, qui peut exister sans la balle, c'est, je pense, une bonne pioche pour les Hawks. Ok. Julien, Atlanta a besoin de défense, je crois que c'est plus ou moins clair. Pour toi, est-ce qu'un homme comme ça, en plein milieu d'une équipe, peut faire la différence en NBA? Ouais, clairement. Clairement, c'est intéressant pour Atlanta. Pareil, c'est dans le big board là que j'avais, enfin dans la mock que j'ai préparé pour le podcast, il était en doublon avec Avdija sur Cleveland et Atlanta, donc j'ai plutôt mis Avdija sur Cleveland. Je mets Okoro chez les Hawks également. Je pense qu'il peut apporter tout de suite pour les qualités qui viennent d'être citées. De toute façon, Atlanta, il y a du besoin, hein, clairement, c'est une équipe qui a du talent, il y a des jeunes à développer. Donc, il faut ajouter, et clairement, la défense, ils en manquent, comme pas mal d'équipes finalement de bas de tableau en NBA. Donc, c'est un mec qui va a priori apporter tout de suite. Juste la petite question par rapport à Cam Reddish, même si ce n'est pas des profils qui sont vraiment, vraiment identiques, même pas forcément similaires, mais en tout cas, Cam Reddish, il y avait quelques qualités qui étaient un petit peu comparables, notamment sur le niveau défensif l'année dernière quand il a été drafté. Donc avoir un petit peu le projet de mener les deux, de développer les deux, comment les faire jouer potentiellement à terme, peut-être ensemble aussi. Parce qu'on est sur deux postes 3, quoi. Mais Okoro, clairement une bonne pioche. Et c'est même étonnant qu'il puisse descendre jusque-là, parce que j'ai quand même pas mal de mocks où il sortait plus tôt que le sixième pick, quoi. Donc oui, pour Atlanta, ça serait une très bonne pioche, je pense. Ouais. Cam, pour toi, c'est vraiment une aubaine, Okoro, à cet endroit-là, pour Atlanta ? Faut sauter dessus ? On sent déjà que t'es pas... Ouais, quand même, tu le prends. Tu le prends parce que t'as pas de défenseur dans cette équipe. Encore une fois, c'est les grandes portes ouvertes. Puis au-delà de ça, il y a toujours pas de hiérarchie, en fait, à Atlanta. Bon, Joris, si tu m'entends, je t'aime beaucoup, mais c'est compliqué de se retrouver dans votre effectif. Ils ont... pas mal de forward, mais dans le tas, il y en a peu qui sont lock. T'as Collins, mais 4, 5, Capella, qu'est-ce qu'on fait ? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'un ballon, mais par contre, de l'autre côté, il y a des défenseurs dans cette équipe, il y en aura qu'un, c'est Okoro. Mm-hmm. Et il a l'avantage qu'entre Trae Young et tous les autres scoreurs qui sont autour de lui, il ne fera pas chier. Il prendra le 3-4 en face. Je pense pas qu'il prendra le meilleur ball handler parce qu'il n'aura peut-être pas l'athlétisme pour tenir un poste 1. Mais il va apporter tout ce qu'on a dit avant, du haut sol, des gros écrans, de l'impact, un peu de méchanceté parce que c'est une équipe qui est gentille actuellement, Atlanta. Oui, ça donne pas de gifle, ça sourit, etc. Il serait peut-être temps, en fait, enfin, on le sait tous ici, je pense, mais pour passer ce fameux stade d'équipe rigolote qui fait des alley-oop et qui met des gros 3 points à équipe qui est sérieuse, ça passe par là. Ça passe par de la méchanceté. Et Okoro, il apportera ça. Et puis, entre guillemets, c'est un prospect, comme on l'a dit, il a peut-être pas de shoot, mais il a un handle qui est correct, il drive bien, au dunk, c'est très sérieux. Il y a du potentiel et ils ont le temps, encore une fois. D'ici 2 ou 3 ans, je suis très curieux de voir ce qu'il va donner. Franchement, c'est une belle bête. Ok, Izzy, pour toi, le fait que Okoro arrive dans un effectif comme Atlanta, ça peut entraîner tout le monde à défendre peut-être un peu mieux et avoir une équipe qui est un poil plus défensive, d'avoir un gros leader comme ça en défense ? Ouais, j'espère, c'est le but après, hein, de toute façon, de voir que le copain, lui, il se met à 4 pattes pour défendre, ouais, t'as envie de faire pareil, et lui, de toute façon, il aura sa place sur le terrain par sa défense, là où ça va se batailler après entre les Hunter, les Reddish, etc., les Werther aussi, qui était plutôt bon défensivement, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu, lui, avec son adresse aussi. Eux, ils devront prouver sur le même point pendant que Okoro, bah, lui, défensivement, en fait, il n'y aura que lui. La seule question que j'ai à vous poser, c'est pensez-vous vraiment que Atlanta va prendre le pic ou plutôt se tourner vers un trade ? Surtout après, avec les Holiday qui sont plus ou moins disponibles, même s'ils veulent un contender, c'est prenable, je pense. Et puis avec leur masse de jeux, tu peux attirer, bah, je sais pas, les... Toki à Oladipo d'Indiana ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, je balance des noms un peu au hasard, mais tu peux chercher ce deux défenseurs et vétérans, tu vois. Ok. Moi, j'ai pas l'impression qu'Atlanta a de quoi faire rêver là tout de suite pour faire venir des joueurs à part des joueurs qui ont besoin de fric. Ça me paraît un peu compliqué de faire ça. Pour toi, Nico, Atlanta va essayer de changer son pic ou ils vont drafter pour accompagner Trae Young? On sait que le gars commence à s'impatienter déjà un petit peu, hein. Honnêtement, j'ai fait la même chose que... Je crois que c'est Izzy qui parlait d'arriver au poste, au pic 5, Avdija, Okoro. Hésiter. Pour les Hawks, quand j'ai vu que Okoro avait une chance d'être dispo en 6, je pense que c'est vraiment la meilleure opportunité pour eux pour compléter leur effectif. Donc, est-ce qu'ils vont garder le pic s'ils entendent que Okoro est drafté plus haut? Je pense qu'ils auraient plus d'intérêt à essayer d'obtenir quelque chose. Ok. Okoro ou trade, quoi, en fait, c'est ça? Ouais. Okay. Ok. Parce que c'est peut-être un peu trop haut pour prendre Williams, qui va aussi pouvoir apporter de la défense, ce qui manque cruellement. Donc, ou alors même Vassell. Ça, je pense que c'est peut-être un peu trop. Le truc le plus intelligent pour eux, s'ils savent qu'ils peuvent pas récupérer Okoro, c'est de trade down pour essayer de récupérer quelque chose. Ouais. Et aller chercher un des joueurs que j'ai cité pour amener un petit peu de densité en défense. Oui, c'est vrai qu'ils ont tout intérêt à voir comment ça se passe et à utiliser leur. Je crois que c'est 3 minutes hein, de réflexion pour annoncer leur pick. Du mieux possible. En numéro 7, les Detroit Pistons. Une équipe qui a des besoins sur les postes arrière et du coup on va aller chercher le chouchou des analytiques, Tyrese Haliburton, qui est né en 2000, qui joue à Iowa State, qui fait 1,96, qui est capable d'évoluer sur les deux postes d'arrière, qui sera vraisemblablement un deuxième porteur de ballon NBA plus qu'un un meneur pur. Le physique, bon, c'est une arbalète. Voilà, le type, ça ressemble un peu à Sean Livingston physiquement. Mm-hmm. Voilà, un peu moins costaud que Sean a pu l'être. Niveau athlétique, c'est pas énorme. Il fait 79 kilos, donc il va falloir penser à manger des pâtes. Ouais, plusieurs fois par jour. En plus, son morphotype n'a pas l'air d'être fait pour pouvoir rajouter de la viande facilement. Hein. Donc, il va falloir voir comment ça va se passer. Donc, très long bras, des segments. Un joueur qui domine sur pick and roll, clairement. La mécanique de tir, elle est dégueulasse. Mais c'est un très bon shooter sur catch and shoot quand il a le temps. Parce que le geste est assez bas. Donc, il va être assez facile à contrer. On va voir si Détroit va essayer de modifier un peu le tir. Son premier pas n'est pas très explosif. Il n'a pas de tir en sortie de dribble. Donc, quand je vous dis ça, vous dites wow, « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Carrément. C'est un cerveau. C'est pour parler très souvent avec des observateurs américains, ils sont fous amoureux de ce type parce qu'ils envoient une sorte de génie avec une lecture au-dessus du lot. Nous, chez Envergure, on a un peu plus de mal à voir ce que les Américains voient en lui. On voit quelqu'un qui est bon dans les aides, hein, clairement, mais qui n'est pas tanké pour résister physiquement. Par contre, il est vrai qu'en défense, le contre, gêner les lignes de passe, tout ce qu'on peut faire sans être très athlétique et sans être très costaud, il le fait. Après, je pense aussi que s'il arrive à prendre quelques kilos, et ça, les Américains sont très forts pour faire prendre une masse en très peu de temps. S'ils sont capables de lui donner 5-6 kilos là, après la draft, c'est un joueur qui est plug and play. Il peut clairement avoir un rôle à la Shai Gilgeous-Alexander très rapidement. Et puis quand on regarde le roster avant les éventuels mouvements, le roster de Détroit, ça manque cruellement de quelqu'un avec son profil. Ok. Cam, on en parlait pour d'autres franchises. Un des problèmes de Détroit, c'est de remplir la salle. Et pour ça, il faut un peu une espèce de petit phénomène. Est-ce que pour toi, ça coche les cases, ou est-ce qu'il faudrait pas plutôt se diriger vers un Toby Hopin, justement, qui est un peu plus spectaculaire? Bon, on sait qu'en défense, c'est une pompe à vélo, mais je veux dire, est-ce que c'est pas là finalement qu'il devrait plutôt aller? Ou est-ce que tu gardes Tyrese? Ah, je t'ai mis dans la merde avec ma question, hein. Ah là, c'est chaud parce que j'aime bien les deux joueurs. Non, après, pour plus sérieusement, les salles vides où il y a de l'ambiance mais ça gagne pas, pour moi, c'est pas assez compliqué. Des équipes nulles qui remplissent leur stade, il y a l'Enix et. Pas de marque. Pardon, excusez-moi, on peut pas. Vas-y, t'inquiète. Non, après, plus sérieusement, Détroit, il leur faut du talent. Et globalement, Haliburton, il en a. Il a des gros points noirs comme on l'a dit juste avant. Et surtout, par contre, l'avantage qu'il a, c'est que tu peux le mettre, tu le draftes, il sera titulaire dès le début, il fera des conneries, etc. Il prendra des sales shoots, mais laisse-le faire. Topin, il va apporter de la hype, il a du jeu au poste, du shoot, du rebond, du contre, oui, parce qu'il peut être athlétique quand il veut, et du gros dunk. Mais à côté de ça, t'as Christian Wood à re-signer, t'as Griffin qui... Ben Griffin, tu sais pas ce que t'en fais. Ouais. Et... non, reste sur Haliburton. Haliburton, moi, je le compare... bon, après, c'est le côté personnel fan de Memphis à Mike Conley à ses débuts. Un mec... enfin, en sortie de dribble au shoot, c'était infâme. Par contre, le côté général de parquet, pour parler à l'Académie française, bon distributeur, bon IQ, bon défenseur intelligent, ça va rester. Et je pense vraiment que Haliburton, ils peuvent le façonner, encore une fois, on le dit nous très souvent dans le podcast, le shoot, ça se bosse et il n'y a pas de secret. Tu le mets dans une salle, tu lui mets un rebond de... Oui. Et t'éteins les lumières du stade, apparemment. Ouais, on a encore perdu Cam. Il peut encore revenir avec une fin de phrase qu'on ne comprendra pas. Julien, on a pas mal parlé de Killian Hayes aussi pour Détroit. Toi, c'est une piste auquel tu donnes de du crédit ou pas du tout? Allô? Ouais. Ah. Ouais, je trouve que j'ai perdu ma co. C'est revenu. C'est pas grave, je vais enchaîner que Julien a compris où tu voulais en venir. Faut le développer, faut le laisser faire, faut le mettre dans une salle et fermer les portes et lui faire shooter 500 tirs par jour. Voilà, c'est ça. Ok. Donc on est bon. Désolé. Julien. Bah en effet, c'était plutôt sur Killian Hayes, mais les deux profils de toute façon sont intéressants pour Détroit qui a des besoins énormes un petit peu partout. Le projet est clairement au début quoi, de la reconstruction, j'ai l'impression. On voit pas trop pour l'instant d'ailleurs où ça va aller, comme disait Cam, avec notamment la situation de Blake Griffin. Christian Wood a conservé également a priori. Donc je pense que sur le secteur intérieur, c'est pas forcément là où tu dois aller en premier. Je pense que sur la base arrière, en plus avec Derrick Rose, on sait pas trop l'avenir qu'il a à Détroit. Il y a quelques intérêts d'équipe pour lui. Donc je pense qu'en effet, ça serait intéressant de prendre un créateur. Donc pourquoi pas Tyrese Haliburton en effet. Je connais pas trop bien le joueur. J'ai vu assez haut et je l'ai vu aussi très bas selon les mock drafts. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à cerner. On voit qu'il y a des qualités certaines, mais après c'est un peu difficile à cerner le plafond du gars, j'ai l'impression. Donc pourquoi pas partir plutôt sur Killian Hayes qui retrouverait ses coups d'Umboya dans l'effectif, qui a des qualités assez sûres, j'ai l'impression aussi. Killian, j'ai l'impression que tu peux partir assez sereinement, on va dire, sur son profil, à voir ce que ça donne au niveau physique, etc. NBA, mais j'ai l'impression quand même que tu peux te reposer sur pas mal de ses qualités sur un bac court. Donc pour moi, l'un ou l'autre de ces choix-là serait pertinent. J'irais plutôt sur un extérieur que sur un profil à la Obi Toppin pour les Pistons, en tout cas. Ok, Easy, pour toi, ton choix en tant que GM des Pistons, c'est quoi? Bah moi je suis bien vendu sur Killian Hayes aussi. Après bon, Haliburton je le connais pas plus que ça, donc c'est vrai que mon jugement est un peu faussé, mais oui, en tout cas un meneur de jeu quoi. Claire, un meneur de jeu, quelqu'un qui va organiser tout ça. D'accord, donc pour toi ils ont plus d'intérêt à prendre un Killian Hayes qu'un je pense, mais après encore une fois Haliburton je le connais que très peu, donc je... Voilà, je ferai confiance à mes scouts, quoi. Ok. D'ailleurs, Nico, si je peux poser une question à Nico sur le profil de Killian Hayes, parce que tu en parles, Xavier, sur Killian, c'est le seul, il me semble, sur envergure, à le mettre très très bas, enfin, à le mettre plus au-delà du top 10, quand tous tes collègues le mettent plutôt top 4, tout le monde le met top 4 sauf toi, c'est que tu as des gros doutes sur le profil? Non, je le suis depuis qu'il a 15 ans. Je suis totalement fan de Killian. Et en fait, c'est parce que pour lui, ça serait tellement mieux d'être drafté plus bas, d'avoir moins d'attentes, moins de pression, que je t'avoue que c'est aussi ça que je vois. Après, la comparaison entre les deux, si tu veux un meneur gestionnaire, tu prends Haliburton. Si tu veux un peu plus de fire dans tes matchs et un peu plus de création, tu prends Killian Hayes. Ouais, t'as pas envie qu'il y ait une Franck Ninkina numéro 2 avec un Français qui est drafté, voilà. Je crois que c'était 8ème, 7ème, 8ème 8ème, je dirais. Ouais. Si les Knicks le draft, Kylian, il faudra demander à recommencer la draft. Ça se passe différemment. C'est vraiment le pire, je pense. Hein. Je sais qu'ils sont à fond derrière lui, mais je lui souhaite pas en tout cas. Eh bien, justement, ça tombe bien, puisqu'on va parler du pick numéro 8 et qui est détenu par les New York Knicks. On t'écoute, Nico. Et donc, je me suis mis dans la peau d'un dirigeant des Knicks. Hein. C'est pas évident. J'ai eu du mal à revenir. Mais du coup, j'ai sélectionné Obi Toppin. Ah. Parce que c'est l'athlète parfait pour la NBA. Alors, j'ai entendu des trucs tomber chez vous. J'espère que vous n'êtes pas tombé de votre chaise. Physiquement, c'est quelqu'un. Il est bondissant. Et c'est mature. Hein. Là, on parle d'un joueur qui est né en 98. Quand tous les autres qu'on a cités avant sont nés en 2000 ou en 2001. Ouais, donc il a 22 ans. Voilà, c'est un produit fini quasiment. Après, c'est un joueur moi que j'aime beaucoup son parcours parce que c'est quelqu'un qui était clairement under the radar. Il n'a pas eu la hype. Il s'est bien rattrapé cette année, vous me direz. Mais avant ça, il n'a pas eu une hype énorme. C'est quelqu'un qui a grandi sur le tard. A pris pas mal de centimètres pour finir à 2,05, qui a été formé plus loin du cercle, on va dire, pour finir sur un poste. Alors certains le voient pouvoir évoluer 3 en NBA. Mm-hmm. Moi, je fais partie de ceux qui le voient plus en poste 4 moderne. En poste quoi, voilà. 4 moderne, t'as dit ? Ouais, poste mm-hmm. 4 moderne. On va dire, allez, un Blake Griffin du pauvre. Oh. Ouais. Dunker qui peut jouer face au jeu, qui peut jouer aussi poster. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il force rien. C'est un bon passeur. Toutes les prises à deux qu'il a pu avoir à Dayton, il arrive toujours à un moment donné à s'en sortir, à trouver quelqu'un disponible. Voilà, belle vision. Pour résumer, lui, je dirais du jus, du tir et du cœur. Il peut shooter. Pour l'instant, c'est pas incroyable. C'est 39% à 3 points quand même. Le geste lancé franc est pas terrible. On peut demander plus de lui au Romodef notamment par rapport à sa taille. Il a pas un handle de fou, mais voilà, défensivement, c'est quelqu'un qui peut switcher, qui est pas clairement porté sur la défense. Hein. C'est un joueur qui cette année s'est plutôt éclaté en attaque. Mais voilà, mentalement, le fait qu'il vienne de nulle part, qu'il ait pris son temps. C'est un joueur qui aurait pu se présenter à la table l'an dernier, mais qui a écouté sa maman et qui est resté. Donc, voilà, quelqu'un d'hyper équilibré, de sain. Donc, voilà, l'athlète parfait pour égayer les soirées des touristes new-yorkais. Effectivement, dit comme ça, ça a l'air assez cool. Easy, pour toi, un joueur un peu. Pour ceux qui ont vu le highlight, si vous ne l'avez pas fait, ben faites-le. Et pour ceux qui l'ont vu, on voit, c'est quand même plutôt spectaculaire. Du coup, c'est vrai que l'avoir sur un gros marché dans une salle qui a beaucoup d'attentes, ça peut être quand même assez sympathique, non? Ouais, et à la maison du coup, parce que alors je sais pas si vous savez, mais il vient de New York. Hein. Attends, toi et tes destinations. Mais du coup, oui. Après, le problème, c'est que à New York, il va être adulé dès qu'il va faire un match à 25 points. Et totalement décrié le jour d'après, quoi. Donc ça peut être un peu, inquiétant. Mais après, bon, s'il a la tête sur les épaules, c'est déjà bien, c'est parce qu'il faut encaisser, quoi, de jeu pour les Knicks. C'est vrai. Et puis je pense que le fait qu'il ait 22 ans et qu'il soit aux Knicks, je pense qu'il fera une bonne. En tout, je connais pas le reste de sa carrière, mais je pense que sa première saison, il sera dans les favoris au rookie de l'année ou une distinction comme ça, parce que il a de l'avance, et avec cette situation si particulière de commencer si tard sans training camp, sans summer league, tout ça, je pense qu'il commencera bien sa carrière. Après, évidemment, j'ai des doutes, mais j'ai pas trop envie de faire du bashing sur Obi Toppin, parce qu'au final, je suis pas non plus spécialiste de Obi Toppin. Ok, Julien, pour toi, donc le public du Madison Square Garden, qui est quand même normalement exigeant vu ce qu'il regarde depuis des années, peut se régaler devant un Obi Toppin ? Ah bah clairement, sur le spectacle, c'est sûr, mais j'aime bien le raisonnement de Easy sur le joueur, parce que ça peut être à double tranchant pour n'importe quel joueur de toute façon drafté top 10 qui arrive au Knicks, dont on va forcément attendre beaucoup tout de suite. Donc ça peut être rapidement compliqué si jamais les performances sont pas au rendez-vous et que le public le prend en grippe. Donc ça peut vite tourner un petit peu à la débandade pour lui, mais il y a quand même un profil pour faire lever le public, en espérant qu'il y en ait la saison prochaine en plus. Mais j'aime bien le raisonnement d'Izzy sur le côté peut-être joueur plus mature de par son âge, et du coup avec une intersaison qui est vraiment particulière et une intégration NBA qui va être très très très spéciale cette année, peut-être un joueur qui aura plus de plomb dans la tête pour intégrer correctement la ligue et de suite se mettre en mode prêt, quoi. Donc ça, j'aime bien ce raisonnement là. J'ai pas suffisamment non plus vu le joueur pour le bâcher et pour trop le descendre. Donc je pense quand même que ça reste un gars qui va pouvoir apporter offensivement. En effet, sur le profil à la Blake Griffin du pauvre, comme disait Nico, sur le poste 4, un petit peu, enfin très athlétique, on est dans ce registre là donc ça peut intéresser New York. De toute façon, New York, pareil, il y a des On a perdu Julien. Besoin un peu partout, ça peut faire une raquette sympa avec Mitchell Robinson. Sinon partir sur de l'extérieur, parce que ça, il y a quand même un petit manque aussi de création à New York qui a empilé des meneurs, mais sans finalement avoir vraiment quelque chose de très sérieux comme option. Donc Nico avait une crainte sur Killian Hayes qui pourrait séduire les Knicks. Moi, en tant que fan des Wolves, par contre, s'il y a des potentiels scénarios de trade-down qui peuvent être envisagés, je pense que les Knicks, clairement, c'est un bon partenaire potentiel. Il y a un peu quelques assets et a priori, ils sont plutôt chauds sur la Melo Ball. Là, clairement, c'est bankable pour New York. Donc, je le mentionne quand même, ça peut être... S'il faudrait un gros puzzle quand même, il faudrait beaucoup de pièces de domino qui s'accordent pour que ça arrive, mais pourquoi pas pour les Knicks arriver à trade up pour aller chercher un LaMelo. Cam, à la situation dans laquelle le GM des Knicks se trouve à ce moment-là, est-ce que tu prends Obi Toppin aussi? Cam est définitivement mort. Cam, allô? Ah, il a un micro coupé. Voilà, c'est mieux. Ça y est. Excusez-moi. Appel de l'astreinte. La bien grande distrib. Ce dont on n'a pas parlé avant ça, c'est le cas Julius Randle, qui, je le rappelle, prend 20 millions l'année. Qui, globalement, à sa cote, elle a explosé négativement parce que très mal coaché, très mal utilisé. Et donc, en fait, c'est actuellement le boulet de l'effectif de New York, même si j'adore le joueur et le potentiel qu'il a. Et pour moi, d'abord, t'essaies de le trader. Sauf que si tu veux le trader, ben, comme l'a dit Julien avant ça, ça passe par là. Ça passe pour trade down. Toppin, ça peut le faire de ouf à New York. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. C'est du highlight, c'est du bon jeu au poste, etc. Mais avant ça, si tu dois le drafter, il faut bien faire le ménage avant. Et franchement, il y a trop d'incertitudes sur cette équipe de New York. Killian Hayes, comme on l'a dit juste avant, ça serait cool. Mais je ne le souhaite pas d'aller à New York. Pas maintenant. Enfin, pas maintenant. Pas de pas aller à New York tout court. Franchement, c'est le flou complet pour moi, cette équipe. Je sais pas où ils vont. Je peux pas dire tel joueur fitterait mieux ou moins bien. Ok. Pick numéro 9, les Washington Wizards. Alors là, j'ai cherché un peu de défense. Du coup, je drafte Patrick Williams. C'est clairement le joueur qui sait faire le moins de choses sur les... Peut-être même le premier tour. C'est bien pour commencer comme ça. Oui, c'est une bonne intro. Ouais. Et le petit nul de la série. Allez. Il sait mettre ses baskets quand même. Ou... C'est le genre de joueur que les coachs kiffent parce que c'est le joueur qui remplit les cases sans avoir le ballon. Alors en plus c'est une belle histoire. Sous-côté en AAU, au lycée, donc un bon recrutement. C'était toujours le défenseur. Donc il a pas fait les McDonald's, il a pas fait le Jordan Brand classique. Et il se retrouve, il n'a pas été titulaire une seule fois au collège et il va être drafté au premier tour NBA. Voilà, c'est assez incroyable. C'est un athlète, il est costaud, vraiment. Il est né en août 2001, c'est le plus jeune en plus. Costaud, athlétique, mobile, avec un vrai toucher. Donc, imaginez un déménageur avec des mains de pianiste. En attaque, comme je vous l'ai dit, c'est le moins dé de la bande. Clairement, c'est le moins doué, il est brut. C'est vraiment quelqu'un à faire travailler. Mmh. Par contre, en défense, comme il a toujours eu ce rôle et il avait l'habitude de s'occuper des arrières, et ben en fait, c'est un joueur aujourd'hui qui fait 2m03 et qui est capable de défendre sur un éventail de postes assez important. Il peut switcher, bien évidemment. Il protège le cercle. Il a une vraie lecture dans l'aide, dans la polyvalence. Il met la pression sur la balle. Son coach, en fait, le faisait défendre sur des meneurs pour que quand les meneurs aillent chercher le pick and roll, ça switch et qu'ils puissent garder le gros après. Donc, c'est, voilà, il a la mentalité de Patrick Beverley, mais il fait 2m03. Donc, il a des vraies choses à prouver. Je ne suis pas sûr que les Wizards soient le meilleur fit pour lui, le joueur, mais il va falloir prouver qu'ils sont capables de développer des joueurs, parce qu'avec lui, il y a une petite pépite. Ok. On va prendre Cam tout de suite. Est-ce que c'est le bon choix pour Washington, selon toi? Moi, oui, clairement, parce que... Bon, Washington, ils ont toujours cette impasse-là avec Bradley Beal et les restes de John Wall, de voir ce qu'ils vont en faire. Mais au-delà de ça, autour d'eux, leur défense, c'est... On ne peut pas parler de défense, parce qu'ils ont... Nous, on les attaquait toute l'année, mais ça a été les portes ouvertes toute l'année. Ils ont pris des valises de points, ils en ont mis beaucoup aussi, mais... C'était d'une tristesse sans nom, alors que là, Patrick Williams, tu le fais rentrer, tu le mets en 3-4. Moi, je le vois plus en 4 actuellement, mais je pense qu'en 3, il peut aussi se débrouiller. Bon, il n'y a que au shoot où vraiment, va falloir voir si la distance NBA, ça peut le faire. C'est incroyable, à chaque fois, on le perd. Chaque fois, Cam, il disparaît. C'est bon, et puis, s'il est autour de deux gros scoreurs, putain, mais il va se régaler. Il va se régaler. Il y a juste voir ce qu'ils font de Davis Bertans, pardon, et si à Chimura, ils le mettent en 3 ou en 4. Mais globalement, pour moi, il a une place et il faut qu'il ait des grosses minutes. C'est un mec, faut qu'il joue, simplement. Ok. On avait parlé, d'un profil aussi en la personne de Devin Vassell. Un profil un peu plus défensif. Est-ce que les Wizards n'ont pas plus intérêt à se diriger vers ce type de profil? Oui, j'aime bien Devin Vassell à Washington pour le côté un peu plus près, j'ai l'impression en tout cas, du joueur. Parce qu'au niveau de la timeline quand même pour Washington, justement c'est ce que Cam disait sur le projet John Wall, Bradley Beal, ça fait quelques années que c'est en cours, que ça a pour l'instant pas abouti à grand chose, même s'il y a eu des passages sympas, mais... Donc je pense que peut-être que Patrick Williams, même si j'aime beaucoup le profil, et je pense en effet qu'à terme, bien développé, ça peut être vraiment une pépite, comme disait Nico. Est-ce que Washington n'a pas besoin d'un joueur un petit peu plus prêt à apporter tout de suite dans l'effectif qu'un Patrick Williams? Donc peut-être qu'un Devin Vassell, comme tu dis, peut faire un peu plus sens du côté de Washington. Les deux, après Patrick Williams serait quand même un bon choix. Il y a du talent, il y a des choses à faire, mais comme disait Nico, il y a beaucoup de travail, ça va prendre du temps à développer. A priori, il y a plein de choses à travailler. Son introduction sur le joueur était quand même assez lourde de sens aussi sur ce qu'il y a à accomplir avec ce gars-là. Mm-hmm. Est-ce que Washington a le temps, en fait, vu la situation de Bradley Beal, est-ce que Washington a le temps de développer Patrick Williams, ou est-ce que plutôt, justement, comme tu le dis, aller sur un Devin Vassell? Je serais plutôt sur cette option-là, en l'occurrence, d'aller sur Vassell. Ok, easy. Effectivement, hein, moi je suis assez d'accord avec Julien. Par rapport au timing, on sent que c'est la dernière chance, la dernière saison, la dernière chance pour le duo Wall et Beal. Du coup, est-ce que tu piques exactement comme Nico d'envergure, ou est-ce que tu pars sur autre chose? Je serais parti sur Vassell, mais en fait, c'est assez intéressant, je trouve, ce pic, parce que j'ai l'impression que, bon, donc entre Vassell et Patrick Williams, tu te dis, ça va te montrer ce que veut Washington, quoi. Est-ce qu'ils vont tout lourder pour repartir sur un nouveau cycle, ou est-ce qu'ils vont essayer de... Parce que finalement, Vassell, quand on grossit les traits, ça peut être leur autoporteur de 2021, quoi, finalement. Mm-hmm. En troisième option, voilà, il prend ses shoots... il les prend bien d'ailleurs. Et moi, il m'intéresse plus dans ce profil-là. Après, peut-être que je me plante totalement et c'est pas exclu. Mais je serais plus sur Vassell. Après, même si le potentiel Grinta et défensif de Williams a l'air plus impressionnant, j'irais plus sur le profil. Allez, on tente une dernière fois avec John Wall et Bradley Beal, et donc un mec comme Vassell à côté. Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant de voir un petit peu ce qu'ils vont piquer, et en fonction, ça pourrait donner quelques petits indices sur la confiance qu'ils ont dans leur duo Beal Wall. En tout cas, ça serait intéressant de suivre le pic de Washington pour la suite. Dernier pic qu'on va analyser, c'est celui de Phoenix en 10. On t'écoute, Nico. Et donc là, c'est le joueur, à mon avis, que vous connaissez le mieux. Donc, j'ai choisi Killian Hayes. Alors, du coup, Killian Hayes and Suns, pourquoi? Pour avoir une, entre guillemets, une rotation, une sorte de passation de pouvoir avec Rubio, et avoir quelqu'un qui est capable de dynamiter en sortie de banc. C'est un gaucher, meneur de jeu, formé à Cholet. Il est à 1m96, il était à Ulm en Allemagne cette année. Mm-hmm. Un physique très intéressant, que ce soit la taille ou le gabarit. D'ailleurs, il a beaucoup évolué en un an physiquement. Et c'est ce qui lui a permis aussi de monter dans les mocs. Il n'a pas un premier pas, très explosif, mais il a des vraies qualités athlétiques. Il a la tête au cercle. C'est pas sa qualité première. Sa qualité première, c'est vraiment sa vision de jeu, son jeu sur pick and roll, sa capacité à créer pour lui. C'est un créateur avant tout. Créer pour lui, pour les autres. Son est parfait. Se frayer un chemin vers le cercle dans le championnat allemand, il n'y avait aucun souci. La lecture. Par contre, on revient dans des hicks qui sont le cas pour pas mal de ces meneurs dans les 10 premiers choix. Le jeu sans ballon, il est à développer. En termes de tir, c'est peut-être celui qui est le plus évolué sur le step back, step side, tout ça. Il crée l'espace suffisant pour pouvoir tirer sur des situations de 1 contre 1. Il sait faire. Défensivement, pour l'instant, on ne l'a pas vu être vraiment motivé par ça, donc c'est pas naturel, on va dire, chez lui. Maintenant, ce qui est naturel chez lui, c'est les interceptions. Il a des mains très actives, on le sent volontaire dans ce cadre de travail là, vouloir piquer la balle. Par contre, si c'est défendre sur du drive, là c'est pas l'assurance de risque. Mentalement, papa américain qui était pro en France, depuis qu'il est né, son seul objectif c'était de devenir un bon joueur NBA, pas seulement d'être drafté. Donc, il est armé physiquement, mentalement, techniquement pour réussir en NBA. Ok, Julien, pour toi, Phoenix, c'est le bon spot pour Kylian ? J'aime bien. Je suis partagé entre Patrick Williams pour étoffer un petit peu sur le poste 3-4 du coup, aux côtés de Ayton notamment. Avec donc un peu plus de temps pour développer à Phoenix. Booker, a priori, ça n'a pas demandé à partir cet été, surtout qu'il sort d'une bonne bulle à Orlando. Donc il y a eu quelques petites promesses qui ont été faites là par ce roster là. Donc il y aura un petit peu plus de temps, donc pourquoi pas Patrick Williams. Mais sinon, Kylian Hayes, clairement intéressant pour Phoenix s'il descend jusque là. Je pense qu'en effet, le mentor Rubio, ça peut être qu'une bonne chose pour lui tous les jours d'aller à l'entraînement avec ce gars là et puis justement, je pense que c'est assez complémentaire d'un Booker. Alors il serait pas titulaire à côté de Booker dès les premiers temps, c'est à peu près certain, mais pour jouer plusieurs minutes à côté de lui, je trouve que c'est quand même assez complémentaire dans l'utilisation du ballon, notamment en attaque. Défensivement, c'est vrai que ça pose un peu plus de questions, mais finalement, comme pas mal de joueurs dans cette draft, et puis Phoenix a quand même des besoins aussi de ce côté-là, comme pas mal de franchises de bas de tableau. Donc finalement, est-ce que c'est de ce côté-là du terrain qu'on va particulièrement regarder avec cette draft-là ? Pas forcément. Donc après, à choisir, en effet, je pense que si Kylian Hayes tombe jusqu'à la 10e place pour Phoenix, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Cam, quand tu n'as pas beaucoup de jeux sans ballon et que tu as Devin Booker juste à côté de toi, c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose. Bah, cette année, ils ont réussi à faire un fond de jeu correct avec des shooters moyens. Un des meilleurs shooters à 3 points qu'ils avaient de l'équipe, c'était Ami Booker. Ils avaient Aaron Baines qui arrosait bien et qui est lié au bret. Mais ils n'ont pas de... Comment dire ? T'as pas de vrai shooter. T'as pas ce Clay Thompson, un autre exemple, je sais pas, Troy Daniels à Denver, bon, lui, je suis allé le chercher loin, mais bref. Au-delà de ça, en fait, tu ne drafts pas au premier tour pour chercher un sniper. Le second tour, cette année, il est plein de roleplayers qui, justement, apporteront du shoot, du spacing et de la mobilité. Par contre, de l'autre côté, comme ils l'ont dit, Rubio, moi j'adore le joueur, mais il est sur une pente descendante qui est logique, hein, il est plutôt jeune et il va faire que regresser. Le petit Kylian, t'as le temps, parce qu'il est super jeune, et ce qu'il a fait en Allemagne, bon, j'ai pas dire les choses que j'ai pas vues, j'ai très peu suivi sa carrière, mais ce que je vois, c'est que c'est un profil qui est encore à façonner, qui a un bon potentiel, surtout physique. Et encore une fois, comme on l'a dit, si c'est que du shoot, il va s'enfermer avec Booker, il va attendre, il va le regarder shooter, il va mettre des briques. De toute façon, en fait, je vois pas les Suns être qualifiés l'an prochain, malgré, à moins qu'ils fassent une free agency de dingue. Mais voilà, si de l'autre côté, ils peuvent le rassurer en lui disant, écoute, l'Espagnol qui est là, il est sympa, il est mignon, mais l'avenir, c'est toi et le gamin, pourquoi pas. Et encore une fois, les Suns, ils ont tout et gagné avec ce mec-là. Izzy, est-ce que tu partages un petit peu cet avis-là aussi? Pour toi, Kylian Hayes, ouais. Ça doit aller à Phoenix en 10? Totalement, ouais, totalement. En plus, j'aime beaucoup Kylian Hayes. Le seul truc qui m'embêterait, bah, c'est Eli Okobo, que j'aime beaucoup aussi, mais j'ai l'impression qu'il a pas saisi sa chance. Mais non, Kylian Hayes, ouais, ça me ferait énormément plaisir qu'il aille dans une équipe comme Phoenix, avec un gros booker à côté de lui, et Rubio, comme vous l'avez dit, pour lui apprendre un peu les ficelles du métier. Ouais, ça m'intéresserait pas mal. Ok, ouais, je suis assez d'accord aussi, c'est vrai que pour lui c'est une bonne équipe. Après, à voir si Booker a encore tant le temps avant que ça commence à lui démanger de pas aller en playoff ou de... Ah bah ça lui démange déjà là. Ouais, bah justement. Apparemment, il y a des tweets qui sont sortis pour... Ouais. Pas du niveau de Bledsoe, genre je veux être là, mais pas loin quoi. Non, c'est sûr. ouais, donc du coup, c'est un petit peu ça peut-être qui me... À voir si Phoenix va garder son pic ou va pas essayer de faire quelque chose avec, justement pour rassurer Booker et lui donner peut-être une meilleure arme. À voir, à revoir. Bien, on va se terminer avec notre petit joueur préféré de cette draft. Votre petit coup de cœur, messieurs, je vous écoute. On commence par Nico, bien entendu. Eh ben, moi je vous ai parlé de Denis Avdija. Je vais vous parler de... Si Denis Avdija c'est Batman, je vais vous parler de Robin. Ah. C'est Yam Madar, donc un joueur israélien qui est né en 2000, qui joue meneur, fait un 92. Et je pense que la meilleure comparaison possible, c'est un Patrick Beverley blanc, la grande gueule en moins. Ouh. Donc c'est une tête. Ouais. C'est vachement intéressant. Je pense qu'en fin de deuxième tour, s'il y a une équipe qui a besoin d'un booster en sortie de banc, d'un type qui va la fermer, qui va être content d'être là, qui va travailler et qui en plus a ce qu'il faut pour développer. Pour l'instant, c'est un joueur qui brille surtout quand il prend feu, qui peut être limite sur la finition avec contact. Donc là, on se dit waouh, en NBA, ça va être dur. Mais il a une telle volonté, un physique intéressant et surtout, il a une activité sans la balle qui est tout simplement belle à voir. Il joue à l'APOEL Tel Aviv. Et sur Synergie, quand on regarde ces matchs, c'est simple, il y a plus d'actions intéressantes quand il n'a pas la balle que quand il a la balle. Donc en défense, il défend comme un chien et il met la pression tout terrain au meneur pendant tout le temps, toutes les minutes où il est sur le terrain. Et en attaque, c'est un joueur qui a un gros moteur, qui va faire des cuts constantes, qui va bosser pour les autres et qui est capable de mettre des tirs, surtout sur catch and shoot pour l'instant. Ok. Effectivement. On dirait De La Vedova un peu, non? En meilleur. Ouais. Toi, je vois que tu l'as mis 40e, si je dis pas de bêtises, donc ce serait pour Memphis chez toi. Après, je l'ai fait avant le tirage au sort. Donc okay. Du coup, il faut que je le remette à jour. Ouais. Ok. Cam, ton joueur. Alors, Precious Achiuwa. Bon, je sais pas comment ça se prononce, mais j'adore le joueur. Ok. Alors. Precious, poste 4 cette année de Memphis, avec le départ précipité de Wiseman pour le scandale qu'il y a eu sur son affaire de déménagement. À croire que Stéphane Plaza n'est pas le bienvenu en NCAA. Precious, il s'est retrouvé décalé du coup du poste 4 au poste 5, et il a montré plein de bonnes choses. Il est en... Bougez pas, j'ai ses stats devant moi. Plus de 16 points, 10 rebonds, 1,5 contre. Ça va, c'est du Bam Adebayo, c'est du... Enfin, 4 qui peut switcher partout, énorme du corps, des bras et des épaules immenses. Grosse énergie. Que ce soit en sortie de banc ou en titulaire, il a eu un des plus gros temps de jeu de cette fac-là. C'est un joueur qui s'arrache beaucoup. Il a un petit défaut, c'est que il est tombé dans une fac où au poste de guard, c'était faible. C'était très très faible, donc du coup... Entre ça et le départ de Wiseman, l'équipe n'a pas fait la saison qui était attendue. Donc lui, il s'est retrouvé avec un rôle de super-héros à prendre des shoots compliqués, etc. Mais s'il est drafté dans une équipe qui saura simplifier son rôle, genre un espèce de entre Montrezl Harrell et Bam Adebayo dans l'utilisation, il va faire très mal et il sera prêt dès le début. Mmh. Il a que son shoot et sa prise de décision à peaufiner. Playmaking, c'est pas dingue, mais encore une fois, ça s'apprend. Lancer franc, c'est dégueulasse, j'ai pas autre mot. Il provoque pas mal de fautes, mais s'il arrive pas à les concrétiser, ça va être compliqué pour lui. Ouais. Mais clairement, ça va être une machine à highlight, je pense. Et je le vois bien drafté par les Kings ou une équipe comme ça, qui a besoin d'un fric un peu athlétique. Ok, easy. Avdija, Denis Avdija, pour moi c'est mon chouchou, je le veux à Chicago. Non. Parce que oui, mais je parle avant, donc désolé, les Cavs n'auront que les miettes. J'adore vraiment le profil intelligent qui joue pour les autres et l'esprit de compétition. Il aime gagner et ça j'adore. Ou en tout cas, il aime pas perdre et enfin, je trouve ça assez impressionnant de réussir à amener, bon, même si c'est des compétitions U20, voilà, mais de gagner des compétitions avec Israël, je trouve ça très impressionnant. Donc, ouais, il a tout pour m'exciter. En plus, il me fait penser. Alors, on a parlé de Gallinari, de Doncic, pas mal de monde, même si finalement, ça, c'est pas vraiment ça. Mais moi, j'ai envie d'y croire comme un coach, tu vois, avec ses fondamentaux et son jeu de passe et voilà, son envie de faire briller les autres, j'aime beaucoup. Julien. Ici, ce sera Tyrese Maxey, mon joueur préféré de la draft, clairement, notamment par rapport aux Wolves, ce serait Onyeka Okongwu. Clairement, j'adore le fit, mais du coup, pour sortir peut-être du top 10, on va passer sur Tyrese Maxey, que j'aime beaucoup le profil. J'ai l'impression que ça peut devenir un role player à minima, élite, vraiment, à NBA, vu les qualités du bonhomme, meneur arrière de Kentucky, 1m96, donc peut vraiment évoluer sur les deux postes. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualités et beaucoup de bonnes bases. Sachant qu'à Kentucky en plus on a l'habitude de voir que sous Calipari notamment sur la base arrière on voit pas forcément tout le potentiel à chaque fois des joueurs qui évoluent sous ses ordres. On a sorti Shai, Giljuice et Jaron Fox ces dernières années de Kentucky qui ont explosé derrière en NBA, donc des fois le système Calipari peut masquer certaines qualités de certains joueurs, donc ils bénéficient de collectifs aussi, mais ça peut masquer certains de leurs points forts. Mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui a quand même beaucoup de bonnes bases à différents niveaux, énergique, qui va aller au cercle, j'ai pas l'impression de voir de très très gros défauts chez ce joueur là on parlait de son adresse à 3 points sur les profils que j'ai vus, donc il a 30% avec un peu plus de 3 tirs pris derrière l'arc par match, mais on a 82% au lancer franc et une mécanique qui est franchement plutôt sympa à mon goût en tout cas, donc le shoot ça se travaille, sur un jeune joueur ça se développe, donc pour moi c'est pas forcément un point faible qui va être trop handicapant. Du coup toutes ses qualités à la fois athlétiques sur sa mobilité en défense, la possibilité qu'il a de défendre sur les deux postes, il est mobilité latérale, mobilité verticale, il y a vraiment beaucoup de choses. Un petit peu moins de playmaking peut-être, un petit peu moins de capacité à distribuer donc pour un meneur, mais je trouve qu'en combo sur les deux postes, il a vraiment beaucoup de choses qu'il peut apporter. Ça joue vite. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de qualité sur ce joueur et de quoi faire un role player vraiment élite. Et pourquoi pas un lieutenant de bas court vraiment intéressant dans les années à venir en NBA. Ok, pour ma part, je vais choisir aussi Denis Avdija, je l'avais dit quand on en a parlé tout à l'heure. En plus de tout ce qui a déjà été dit, c'est un mec que j'aime bien parce qu'il est en progression constante dans tout ce qu'il fait. Si vous regardez son palmarès, son évolution au sein du Maccabi Tel Aviv, qui est pas non plus qui sont pas non plus des inconnus sur la scène européenne, le gars ne fait que franchir des paliers depuis le moment où il a commencé en fait. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va passer de contributeur sérieux dans une équipe qui est championne à l'année d'après il est MVP, ça c'était pour les championnats d'Europe U20. Vous avez aussi son taux de points moyen qui a bien augmenté, ses minutes qui ont bien augmenté avec le Maccabi Tel Aviv. Donc c'est quelqu'un qui est en constante progression et je me dis que le palier d'après, c'est effectivement la NBA où il va se heurter forcément à un mur comme tous les rookies. Et vu ce qu'il a déjà encaissé comme expérience en, en Europe, puisque donc il a fait son premier match, je regarde vite fait les stats, le 22 novembre 2018, c'est son premier match en Euroleague. Mais au bout de 2 ans, il a réussi à convaincre sur une scène qui reste quand même exigeante. Je pense qu'il a la possibilité de faire la même chose, en tout cas de progresser au sein de la NBA aussi, et je suis ravi qu'il ait choisi, que les Cleveland Cavaliers l'aient choisi en numéro 5. C'est acté, c'est signé, merci à tous, bonne soirée. Putain, pas de Nord. Jamais, ça reste un business. Denis Kavdija. Quoi? Bah, Cavs, Kavdija. Ah oui, effectivement, j'avais pas fait le rapprochement, mais... C'est une encore meilleure raison de le signer. C'est une bonne raison, ouais. Je pense que c'est l'argument là-dessus. C'est le meilleur argument. Voilà, on a débordé un petit peu. J'avais dit que ça allait partir pour une heure. Évidemment, ça fait une heure, un plus d'une heure et demie qu'on est là. J'espère que ça vous a que ça vous a plu, que ça vous a en tout cas appris des choses, si c'était pas le cas pour la draft. Encore une fois, si vous cherchez des renseignements supplémentaires, le site d'Envergure est là pour vous parler en détail de chaque joueur. Je vais terminer un petit peu avec Nico. Dis-moi, le soir de la draft chez Envergure, ça se passe comment? Normalement, on sera chez First Team et il est possible qu'il y en ait un d'entre nous qui soit sur une chaîne câblée, télévisée. On attend encore la confirmation. Ça serait vraiment top, quoi. Une belle reconnaissance de votre travail qui est vraiment de qualité. Donc quand vous faites partie comme moi des supporters d'équipes de fonds de conférence, eh bien Envergure, c'est un site que vous consultez de plus en plus au fur et à mesure où l'année avance et où les branlées s'enchaînent, et forcément ça devient petit à petit votre référence, bien plus que NBA.com, où vous allez un jour sur deux subir ce que votre équipe a à vous proposer. En tout cas, mec Nico, merci beaucoup pour toutes tes explications. C'était très clair sur les profils. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Et via toi, toute l'équipe d'Envergure avec qui on n'hésite jamais à partager un peu de contenu. Donc c'est très très cool. Merci à Cam, merci à Julien et merci à Izzy, bien entendu. Sans qui ce podcast ne serait rien ou pas grand chose. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis on se retrouve le 18 novembre. Et puis il faudra enchaîner très très vite. Puisqu'a priori, on va ouvrir le marché des agents libres 3 jours plus tard. Et finalement, la saison sera assez vite. Là, on espère que ce sera une draft qui va produire des joueurs de qualité pour pouvoir égayer nos prochaines soirées lors des prochaines années. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Merci, merci. Bye. Salut.